Bonjour à vous tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici le sommaire. La ministre de la Justice exhorte les magistrats de la province Cibitoke de respecter la déontologie régissant leur profession. C'est après des lamentations des justiciables de cette province comme quoi le traitement de leur dossier est lent. Et l'Ombudsman burundais a présenté les réalisations de son institution devant la presse. 500 dossiers parmi plus de 1200 ont connu une issue favorable. Des défis ne manquent pas. À Butaganzo, nous sommes dans la province Kayanza, au nord du pays. On vous parlera du marché de bétail qui fait entrer 80% des recettes de cette commune. Voilà pour l'essentiel de cette édition qui est mise en œuvre par Serafine Hakiziman. Je vous le disais tantôt, grogne des habitants de la province Cibitoke à l'endroit de la justice. Des justiciables de cette province déplorent la lenteur dans le traitement de leurs dossiers, une situation qui freine ces derniers à interjeter appel. Lors d'une rencontre entre la ministre de la Justice et les habitants de cette province au lundi, ces habitants ont demandé au ministre de la Justice d'être proche d'eux pour que la justice leur soit rendue. De son côté, la ministre de la Justice, Dominique Banyangimbona, a exhorté aux magistrats de se débarrasser de ce comportement et de rendre justice à la population. Il rappelle le respect de la déontologie régissant cette profession. Et 500 dossiers parmi plus de 1200 transmis à l'institution de médiation ont été clôturés favorablement par l'institution de l'Ombudsman burundais. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi, Edouard Ndouimana se réjouit des réalisations de ses 6 ans à la tête de cette institution de médiation. Il rapporte notamment le dossier opposé l'État et les producteurs d'arbres fruitiers, celui de la population de Nyaruhongoka touchée par les inondations qui réclamaient des parcelles. Toutefois, l'Ombudsman Edouard Ndouimana reconnaît que les dossiers en rapport avec la sécurité et l'économie nationale ont été difficiles à traiter. Il donne l'exemple du dossier qui opposait la société Onatel et ses employés et ceux des populations dont les parcelles sont occupées par les services étatiques. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h moins une minute, un jeune enfant de 13 ans a été abattu par une machette ce lundi par un malade mental qui l'a surpris en train de couper les roseaux qu'il voulait utiliser pour pêcher dans le lac Tchouhoha. Selon les sources sur place et confirmées par l'administration, cet incident s'est déroulé sur la colline Egitu en commune Ebugabira de la province Kirundo. La famille de la victime, selon les mêmes témoins, a voulu se venger suite à la colère, mais l'administrateur de cette commune, Eric Tuzerimana, les a plutôt demandé de se retenir pour ne pas causer le drame au drame. Il a ordonné l'enterrement digne de cet enfant et l'auteur de cet acte a été appréhendé et détenu au cachot de la commune Bugabira. L'administrateur de cette commune demande également aux familles ayant les personnes qui ont des problèmes mentaux de les suivre de près afin de limiter les violences causées par ces personnes. Pénurie d'eau potable à l'école fondamentale de Kawere en zone Mivo de la commune et province Ngozi. Les robinets qui alimentaient cette école sont bouchés depuis près de 5 ans selon les parents rencontrés. Et en plus du temps perdu par leurs enfants à la recherche de l'eau potable dans le marais, ces parents craignent des maladies, des mains sales et demandent par conséquent la réhabilitation de ces robinets. Le chef de colline Kawere, Gilles Gitungwa, dit en avoir déjà informé les autorités hiérarchiques et attend la réponse Apollinaire Muzagara. Cet établissement scolaire était alimenté en eau captée à partir de la Mukinya, une vaste chaîne de montagnes surplombant la colline Kawere, d'après les parents de ses élèves. Il y a environ 5 ans, un homme est venu selon eux fermer les robinets, croyant qu'il était en réparation de cette bonne fontaine, mais en vain. Ses parents disent ne pas comprendre pourquoi ces robinets tardent à être ouverts alors que les tuyaux sont déjà installés. les élèves de cette école fondamentale Kaveré s'approvisionnent actuellement en eau dans un marais situé à environ 1 km pour faire la propreté des latrines et salles de classe, voire pour étancher la soif. Ses parents et élèves craignent des maladies liées au manque d'hygiène à cette école et demandent par conséquent la réhabilitation de cette ligne. Le chef de Corinne Kaveré parle d'une panne qui serait à la source de captage sur le mont Mukin. Jules Gitungwa indique que ce problème est connu par ses autorités hiérarchiques et dit attendre une réponse favorable. Lui-même parle de difficultés de ses enfants à avoir de l'eau actuelle. À côté de cette école se trouve aussi une succursale catholique fréquentée souvent par bon nombre de chrétiens. Ces derniers parlent également du pain sur la planche à en trouver alors qu'ils en sont souvent dans l'obèse. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Dongozi cap sur Kayanza où des habitants exerçant des activités commerciales près du marché moderne du Beta de Bumba en commune Outaganzwa disent qu'ils en tirent profit. L'administrateur communal de Outaganzwa demande aux âgés de ce marché de prendre soin de cette infrastructure qui fait entrer dans la caisse communale plus de 80% des recettes et taxes communales. Patrick Nsengeyumva. Le marché moderne du bétail de la colline Ebumba en commune Outaganzwa était dénommé ces derniers jours marché du bétail Ebumba Nyamitole et c'était avant sa réhabilitation. L'administrateur de la commune Outaganzwa fait savoir que ce marché du bétail a été réhabilité cette année en cours par le gouvernement burundais via le projet Abouti Pansi. Jean-Vier Kanyan a indiqué que la réhabilitation de cette infrastructure a relevé des entrées dans la caisse communale, expliquant que des recettes et taxes perçues chaque mois à ce marché du bétail constituent plus de 80% par rapport aux autres recettes. Certains des habitants qui vivent près du marché du bétail apprécient positivement sa réhabilitation, indiquant qu'aujourd'hui chaque espèce animale se vend dans une partie du marché lui destinée, contrairement à ces derniers jours où tous les animaux se vendaient mélangés des uns en des autres. Des commerçants exerçant leurs activités commerciales près de ce marché du bétail de Bumba, surtout les tenants des bistrots et des restaurants contactés, disent que le jour du marché ils gagnent beaucoup, car d'après eux ce marché du bétail est fréquenté par beaucoup de gens en provenance de différentes localités du pays. Kanyana Janvier, l'administrateur communal de Outaganzwa, appelle les habitants vivant près de son marché du bétail, de même que les usagers de son marché, de prendre soin de cette infrastructure publique qui est, selon elle, beaucoup utile pour la commune et pour la population de Outaganzwa. Depuis Kayanza, Patrick Nsengeyumva pour la radio Isangani. Actualité internationale. Avant la chronique santé de ce mardi, ouvrons la page internationale. Après la France et la Suède, le Royaume-Uni a annoncé ce lundi 14 novembre le retrait de ses forces du Mali. Les troupes britanniques déployées dans le pays dans le cadre de la MINUSMA, la mission des Nations Unies, sont pourtant connues pour leur équipement de haute technologie permettant de nombreuses victoires face aux groupes armés. Et le mandat de la MINUSCA a été renouvelé ce lundi 14 novembre pour un an par le Conseil de sécurité. Pas de changement du côté des effectifs. La mission de maintien de la paix conserve son plafond de 14 militaires et 3020 policiers. Peu de changement du côté des tâches prioritaires. La MINUSCA doit toujours protéger les civils et appuyer le processus de paix et l'accord politique du 16 février 2019. Mais les négociations autour du renouvellement ont été plus compliquées que prévu et trois pays se sont abstenus, la Russie, la Chine et le Gabon. Radio Isanganiro, chronique santé. Il y a des médicaments prescrits aux femmes ménopausées qui aident à soulager les symptômes de cet état des femmes. Le gynécologue Gabriel Nahayo indique également qu'il y a des méthodes utilisées d'implantation de l'œuf appelée fécondation in vitro qui permet à la femme de tomber enceinte et d'accoucher comme les autres Ornella Mucho. La ménopause n'est pas une maladie, mais ces troubles peuvent se traiter par des médicaments proposés par le gynécologue Dr Nahayo Gabriel, gynécologue, avait expliqué lors de la précédente chronique que la diminution de la libido, des bouffées de chaleur et des troubles de l'humeur sont parmi les symptômes de la préménopause. Alors si la ménopause survient en phase précoce, ça veut dire avant 45 ans, l'intérêt du traitement de remplacement est encore plus grand parce qu'on a une grande partie de la vie qui va se faire après la ménopause. Mais si on ne fait rien, vous allez avoir les effets de la ménopause qui vont se manifester à un âge beaucoup plus précoce, avec perte de dents, fractures, destruction de l'aspect de la féminité, les cheveux qui tombent, qui se cassent, la peau qui se fripe, qui n'est plus reluisante. Vous avez tout un tas d'anomalies qui peuvent apparaître avant. C'est une phase normale. Le traitement est possible et il existe même en Burundi. Docteur Nahayo ajoute qu'une activité physique régulière est susceptible de minimiser l'impact de la plupart des symptômes désagréables liés à la ménopause. Il faut faire du sport, ça préserve la masse osseuse, ça c'est sur le plan prévention. À côté de cela, déjà lorsque la personne se trouve en phase préménopausique, on peut avoir un apport d'hormones de remplacement, les œstrogènes qui normalement sont produites par l'organisme vont être remplacées par des œstrogènes d'origine exogène qu'on apporte par des traitements. Et ça va en même temps soulager les signes fonctionnels de la pathologie, mais également préserver la santé en ce qui concerne les effets plus graves que la femme ne constate pas sur le cerveau, sur le système cardiovasculaire et sur les os. Sans ovulation, il n'est pas possible d'être enceinte naturellement. Toutefois, la médecine actuelle permet à la femme de recevoir l'œuf fécondé in vitro et la grossesse démarrera après l'implantation de l'œuf. Une méthode utilisée ailleurs et qui est en train d'être étudiée au Burundi. Il y a un certain nombre de traitements innovateurs qui sont en train d'être introduits dans le pays. Vous avez entendu que la première dame va ouvrir un service de fécondation in vitro. Si la loi burundaise le permet, on pourrait par exemple faire en sorte qu'une femme qui a déjà eu sa ménopause puisse avoir un enfant. Mais ce qui est différent, c'est que l'enfant ne vient pas de ses ovocytes. On fait ce qu'on appelle un don d'ovocyte et on utilise les spermatozoïdes de son mari ou les spermatozoïdes d'un donneur pour avoir un enfant. Le traitement de la ménopause est toujours associé à des conseils, à savoir l'arrêt du tabac, consommation très modérée de l'alcool, alimentation diversifiée et une activité physique régulière. Merci Ornella Mucho et au gynécologue Gabriel Nahayo. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakizmana pour la mise en onde. Au revoir.